Stephen King aime les cymbales, Stephen King aime les souvenirs de famille, Stephen King a écrit Le Singe et Kenneth J. Burton l'a adapté. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue au vidéoclub de Castle Rock, je suis avec Chris, bonjour. Salut. Comment vas-tu? Écoute, je sors d'un rhume, mais là ça va. Peut-être que ma voix va sombrer au fur et à mesure du podcast, on verra. Tu finiras avec une voix à la Barry White, une voix de crooner, c'est peut-être bien. Oui, j'étais capable de le faire pendant la semaine, je ne sais pas si je suis encore capable de le faire, mais on peut toujours essayer. Oh, il y a un truc. Dites-nous en commentaire. Très bien, donc nous allons aujourd'hui parler d'une nouvelle publiée dans le recueil Brume qui s'appelle Le Singe, la nouvelle, et de son adaptation. C'est un peu compliqué parce que c'est qu'à moitié une adaptation en réalité. En tout cas, c'est une adaptation officieuse et donc ça relèverait quand même beaucoup plus du plagiat que d'autre chose. Oui. Par Kenneth J. Burton dans un film appelé Le Singe du Diable. Attends, je vais le refaire. Le Singe du Diable. Parfait. Voilà. Là, ça passe bien. Ça fait plus peur que le film, je crois. Bon, on va spoiler, mais c'est un récit assez court. Il fait une quarantaine de pages chez moi en grand format. Peut-être un peu plus en poche. Oui, ça fait un récit interminable. Il a fait une petite cinquantaine, soixantaine de pages. Ouais, dans ces eaux-là. Donc je propose qu'on y aille tout de suite. Eh bien, allons-y. Bon, sur la nouvelle, je vais quand même, comme d'habitude, pas avoir grand-chose à dire. Enfin, comme pour beaucoup de nouvelles, en tout cas. Elle est publiée pour la première fois dans le magazine Galerie de novembre 1980. Apparemment, elle a été publiée au départ dans une sorte de supplément à part du magazine, ce qui explique qu'elle est quand même pas mal plus longue que la moyenne des nouvelles qu'il publiait en magazine à cette époque. Et plus tard, avec des corrections importantes, semble-t-il, elle est recueillie dans Brume. Comme j'ai pas trouvé la version de Galerie, j'ai pas pu faire de comparatif réel entre ce qui était déjà là à l'origine, ce qui a changé, etc. Oui. En 82, elle est nommée au British Fantasy Award de la meilleure nouvelle, mais elle ne le gagne pas. Et c'est à peu près tout ce que je vais avoir sur la nouvelle. Voilà, comme annoncé, c'était très bref, je vais juste en faire un petit résumé. En fait, la nouvelle nous raconte l'histoire d'un homme qui vide les affaires de sa famille, de membres de sa famille décédés avec ses enfants et sa femme, et qui retombe sur un singe mécanique avec des cymbales qui semble cassé, mais qu'il avait déjà vu dans son enfance. Et à chaque fois que les cymbales s'activent, il y a quelqu'un, humain ou animal, qui mourait dans son entourage, et il pensait s'être débarrassé du singe en le jetant au fond d'un puits. Voilà. Yes. Bon, je vais te laisser commencer par ton avis. Ça va être un avis assez rapide. C'est un peu comme la majorité en fait des nouvelles qu'on a abordées pour l'instant dans le recueil. Ça se lit, mais ça laisse pas des souvenirs immémorables, quoi. Immémoriaux, plutôt. Ça ne laisse pas de grands souvenirs parce que ça manque, je trouve, de développement. Ça manque de personnages qui évoluent au fil du récit. Ça manque d'enjeux. Ce que j'aime bien dans cette nouvelle, à la limite, c'est que jusqu'à un point précis, on ne sait pas trop si le personnage est fou ou si tout ce qui arrive réellement. Ça, je trouve que King s'en sort plutôt bien à insérer le doute dans l'esprit du lecteur. Mais voilà, une fois la nouvelle terminée, qu'est-ce qu'il en reste? Finalement, pas grand-chose, j'ai envie de dire. Ouais, moi, je trouve qu'elle marche vraiment pas mal, quand même, dans l'ensemble. Si, je pense que c'est une nouvelle dont je me souviendrai un peu, dont je me souvenais déjà vaguement quand même, je crois. Mm-hmm. Je trouve qu'elle est bien menée, qu'elle a un principe de base plutôt efficace et plutôt malin et qui est bien utilisé parce que finalement le singe frappe dans ses cymbales, mais la mort des gens après c'est toujours un accident, donc effectivement ça laisse le doute sur son pouvoir réel. Il y a quasiment personne à part Hal qui l'entend quand il tape dans ses cymbales. Donc je trouve ça plutôt malin comme principe. Il y a un découpage en flashback le développement des personnages. Aussi. Ouais, c'est ça. En effet, le développement des personnages est pas énorme. Hein. Ça, faut pas en attendre plus d'une nouvelle qui fait une cinquantaine de pages. Mais il me paraît suffisant. Il y a quand même un peu l'idée sous-développé, mais du gars qui est pas forcément en bon terme avec sa famille, qui a l'air de traîner des trucs depuis longtemps. Je trouve que ça fait plutôt partie du haut du panier des nouvelles courtes, en tout cas. Ok. Tu vois d'autres nouvelles du recueil Brume. Personnellement, j'ai préféré le radeau, qui je trouve est bien plus rythmé. Malgré ouais, un passage, je on l'avait dit, celle-là. On l'avait dit, un passage, catastrophique, dans la nouvelle, ouais. Qui n'a pas été repris dans le, dans le film, fort heureusement. Si, la scène de sexe, elle y est dans le film. Ah oui, non, c'est vrai qu'elle y est, j'avais oublié ce point de détail. Mais voilà, j'ai préféré le radeau, que je trouve plus efficace. Alors que oui, pareil, le radeau, est un peu oublié juste après, mis à part le pitch et le déroulé. Je pense que pour ma part, j'oublierai plus vite le radeau que celle-là. Mais il y a des moments vraiment sympas dans le singe. Typiquement, et ça fait partie de ces passages qui laisse toujours semer le doute, c'est le personnage principal rêve du singe, enfin s'agite, et en fait il se réveille et le singe est sur le rebord de la fenêtre de la chambre, et en fait on apprend un peu plus tard que c'est lui qui l'avait, il dormait avec en fait, comme si c'était son doudou. Oui, et sa famille l'a retrouvé avec. C'est ça, c'est sa femme qui le retrouve et qui du coup le pose sur le rebord de la fenêtre. Je trouve que le passage fonctionne très très bien. Oui, il y a un peu l'idée que le singe a quand même des pouvoirs de possession, en effet. Oui, puisqu'on en sait rien du tout, en fait, sur le mystère autour du singe. Le mystère reste entier du début à la fin. Oui, ils vont juste chercher à s'en débarrasser et pas du tout à comprendre d'où vient la malédiction. Oui, voilà, c'est ça. Au bout d'un moment, il faut s'en débarrasser, il faut le jeter dans le lac. Après, sans trop en dire non plus, parce que ça reste une nouvelle. Pas tout dévoiler non plus, mais en revanche je trouve les dernières pages bien menées. Toute la partie justement où il va dans le lac. Ouais, je trouve ça bien écrit, les personnages un peu paniqués par ce qui est en train de se passer, parce que à la toute fin il y a vraiment que lui et son fils, enfin l'un de ses deux fils, qui est conscient de ce qui se passe. Oui. Je trouve que globalement, les morts sont bien, bien amenées aussi, où la première fois, forcément, ça le surprend, il comprend pas bien ce qui se passe, même s'il a assez vite une idée, un peu comme si le singe partageait avec lui ce qu'il avait fait. Oui. Mais ensuite, il y a toujours l'idée que quand il entend le singe taper dans ses cymbales, il a une peur, une hésitation. Il sait qu'il va se passer quelque chose, il a peur que ce soit lui, il préférerait que ce soit quelqu'un d'autre, mais en même temps il veut pas non plus que ce soit ses proches, et donc à chaque fois il y a la peur de savoir sur qui ça va tomber, et je trouve que ça marche bien dans la scène où c'est un des potes de son frère qui meurt, et que finalement lui il est rassuré parce que il se dit c'est pas quelqu'un que j'aimais plus que ça, quoi. C'était pas vrai proche. C'est ça. Ça, je trouve ça plutôt bien mené. Alors que l'une des premières vraies victimes qui le perturbe, c'est surtout son meilleur ami. Ouais. Il y en a plusieurs. Déjà, c'est la nourrice d'abord. La nourrice, ça le perturbe quand même, lui. Disons qu'il commence vraiment à avoir des gros doutes avec son meilleur ami. L'ami de son frère, je crois que c'est avant, pour le coup. Ah oui ? Je crois que c'est là qu'il commence à avoir vraiment des gros doutes. Tu vois, tout se mélange dans mon esprit. Bah comme c'est dans l'ordre, comme c'est pas dans l'ordre chronologique en plus, tel que c'est raconté, oui, forcément, forcément, c'est un peu plus compliqué. Mais ouais, j'aime bien aussi l'espèce de voix off du singe où on sait pas bien si c'est lui qui imagine ce qu'est en train de dire le singe ou si réellement il a le pouvoir de communiquer psychologiquement avec lui pour se moquer de lui. Mais il le menace, il joue un peu, il s'amuse un peu le singe en disant hey, « qui c'est qui va mourir ? On sait pas, oui, peut-être oui. que ce soit toi, peut-être que ce sera ta mère. » ça fait très psychopathe. Pendant les passages, je lisais sa voix avec une voix de méchant de Nicky Larson VF. Ah, bonne idée, tiens. Et je vais te faire un bobo. Non, voilà, je trouve que j'ai pas grand-chose à en dire, parce que, voilà, c'est... ça reste une nouvelle, mais je trouve qu'elle marche bien. Oui, non, mais ça, pas de doute, ça marche bien. Disons que c'est, de toutes les nouvelles qu'on a abordées pour l'instant, et même à l'intérieur même du recueil Brume, c'est pas l'une des meilleures. Après, le problème du recueil Brume, de ce que j'ai... Parce que j'en ai lu d'autres, du coup, qui n'ont pas été adaptées, le vrai problème, c'est qu'en fait, les meilleures nouvelles sont celles qui n'ont pas été adaptées, ce qui est con. Seraient lesquelles, pour toi ? Bah pour moi, pour l'instant, de toutes celles que j'ai lues, la meilleure nouvelle du recueil, c'est l'excursion. Ah oui, oui. Qui là est plus un récit de science-fiction. Mais il fonctionne très très bien. Là, il y a des personnages bien développés. Bon bref, lisez l'excursion qui, elle, est une très très bonne nouvelle. Et le raccourci de Mademoiselle Todd aussi est très bon. Faudrait que je la relise, je m'en rappelle plus bien du raccourci de Mademoiselle Todd. J'en ai une vague image, mais je crois que je l'avais bien aimé. Mais c'est un peu loin dans ma tête. Oui, elle fait très Brume dans l'ambiance, avec des créatures bizarres qui se cachent dans le monde qu'ils empruntent pour prendre des raccourcis sans en dire trop. Ouais. Dans mon souvenir, il y a Le goût de vivre qui est vraiment cool aussi. Alors celle-là, je ne l'ai pas encore lue. Non, effectivement, je revérifiais s'il y avait des nouvelles sur une adaptation. Mais... Enfin, il y a des nouvelles d'une adaptation, mais ça, on n'en a pas reparlé depuis des années et des années, quoi. Pour ? Pour l'excursion. Ah, d'accord. Parce que lui, le singe, il y a une autre... une adaptation officielle, cette fois, qui est prévue. Oui, ça... bon, je leur dirai tout à l'heure, mais oui, clairement, ouais. A priori, j'ai lu aussi que l'épisode de King pour... X-Files reprend quelque chose quand même d'un peu proche. Oui, oui, tout à fait. Il faudrait qu'un jour, on se penche sur ça. Que je te dise quoi regarder sur X-Files pour pas être trop perdu. Ouais, va vraiment falloir pouvoir regarder cet ça, épisode-là. Ouais. Bon bah je pense que la nouvelle, on va pas avoir grand chose à ajouter et qu'on peut passer à l'adaptation. On peut passer au gros morceau de l'épisode, comme on dit. Enfin, gros morceau, c'est vite dit. Alors on va faire un résumé parce que c'est pas tout à fait les mêmes circonstances. Cette fois-ci, c'est un père qui vit avec son fils et une nouvelle compagne qui a priori n'est pas la mère du fils. Mais ouais, c'est pas très clair. Hein. Il y a beaucoup de trucs qui sont pas clairs. Et son voisin qui est son frère, enfin j'ai eu l'impression que le voisin c'était son frère moi. Ah bon ? Alors, ça m'a pas sauté aux yeux en tout cas. J'ai l'impression qu'à un moment ils parlent de leurs parents et qu'ils ont les mêmes. D'habitude c'est les frères qui ont des caractéristiques comme ça, non ? Ah d'habitude oui. Ou les sœurs, éventuellement mais bon. Oui, mais là, après, je pense pas que le film soit super, soit super LGBT dans l'esprit, donc. Donc voilà, c'est lui qui trouve le singe, et il l'a jamais connu par le passé, mais il va constater à peu près le même type de phénomène. Et là, on a vu la genèse du singe, parce que c'est une médium amatrice qui a mis l'esprit d'un démon dedans, voilà. Voilà. Mais ça va quand même sinon aller plutôt vite parce que quasiment personne sur ce film n'a fait autre chose, c'est-à-dire Kenneth Giberton, le réalisateur, scénariste, producteur, monteur, il a fait un seul autre film, je vais revenir dessus tout à l'heure. C'est co-scénarisé, co-monté, co-produit par José Vergeline qui est aussi le production manager et par Aiden O'Hara et tous ces gens-là j'ai rien à en dire parce qu'ils n'ont rien fait d'autre. Donc on va tout de suite passer au casting. Dans le rôle de David, il y a Bob Mendelsohn qui n'a pas fait grand-chose d'autre. Dans le rôle de Suzanne, il y a Vicky Saputo. Si MDB se trompe pas, elle a fait de la figuration dans Sense8. Waouh. Voilà. Dans le rôle de Michael, l'enfant, il y a Struan Robertson, qui n'a pas eu de carrière en dehors, voilà. Dans le rôle de Pete, le voisin, peut-être frère, il y a Bruce Parry, qui est aussi aux effets mécaniques sur le film. Et dans le rôle d'Adrienne, la pote médium qui va leur donner des informations sur le singe, des informations vachement utiles bien entendu, il y a Madeleine Phillips, et vraiment aucun de ces gens-là n'a vraiment fait quelque chose, et c'est pas plus le cas des deux directeurs de la photo, Caryl Daniels et Caris Palm. Caris Palm, elle est impliquée, mais à des postes très secondaires sur Lecture Diabolique et sur Les Sorcières d'Eastwick. D'accord. Mais vraiment à des postes très très secondaires. Mais qui sont quand même de bons films. Oui, effectivement. Les effets spéciaux, ils sont de Ed La France. J'ai cru que c'était un pseudo, mais non. Et son seul autre crédit sur IMDb, c'est Star Worms 2, Attack of the Pleasure Pods, qui est une production Trauma. Star Worms ? Comme un oui. Ver ? C'est ça. Les vers des étoiles. Waouh ! Ça donne envie. Bon, des fois, c'est rigolo, Trauma, quand même. Mais... Oui. Bon. Et Adam Mose aussi, aux effets spéciaux. En fait, la personne qui a fait le plus de trucs sur ce film, c'est le compositeur Todd Hayen. Il a fait la BO de Aerobic Killer et de quelques épisodes de la série animée Batman. Celle des années 90, la série oui. Vraiment connue. C'est Shirley Walker, la plus grosse compositrice sur cette série. Elle est responsable à peu près de la composition. Mais vu qu'il y avait beaucoup de trucs à mettre en musique assez rapidement, elle a eu quand même des co-compositeurs sur plusieurs épisodes. Mm-hmm. Et il est orchestrateur sur Rose Red et chef d'orchestre sur La Tempête du Siècle. Mais, d'accord. Voilà, il a quand même eu une carrière de compositeur jusqu'en 2010, grosso modo. Et lui, en fait, j'ai trouvé des interviews de lui parce qu'il s'est reconverti en psychothérapeute suite à la mort de sa femme. Donc maintenant, il est psychothérapeute, plus du tout compositeur. D'accord, oui, c'est vraiment un changement de carrière radical. Ouais, je pense pas qu'il y en a beaucoup qui l'ont fait, celui-là, de changement ah, de oui. carrière. Au niveau des notes, il en a quasiment pas, parce que le film, en fait, est quasiment indisponible. Donc pas grand monde ne l'a vu. On l'a vu en VHS rip, hein, de notre côté. Oui. Il a aucune note sur Rotten Tomatoes, ce qui est quand même fort. Il est pas sur Allociné, du tout. Il a 3,2 sur 10 sur IMDb et 4 sur Sens Critique, mais il n'y a qu'une seule note, en fait. Et l'auteur de la critique sur Sens Critique, c'est l'auteur de la chronique Nanarland. Ah oui, d'accord. En fait, ces points, il les doit juste à ses qualités nanar, parce que oui, il y a une chronique Nanarland qui existe, si vous voulez aller la lire. Sur YouTube, on peut trouver une petite curiosité, à savoir la diffusion du film dans l'émission Commander USA's Groovy Movies, qui était une émission de présentation de films. Alors, on n'en a pas vraiment eu en France, des trucs comme ça, mais aux États-Unis, il y en a eu plusieurs, où t'as un présentateur, un host, qui va présenter le film, souvent des trucs pas très bons, et qui va revenir des fois faire des interruptions en milieu de film, pour faire une blague ou deux, pour faire le résumé de l'intrigue. En fait, un peu comme les contes de la crypte, sauf que les contes de la crypte, c'est écrit directement comme ça. Oui. Donc là, c'est des trucs rajoutés à un film qui existe avant. D'accord. Le concept est rigolo. Oui. Et donc, Commander USA, c'est une sorte de super-héros d'opérette, ancien militaire, qui fait des blagues. Donc voilà, vous pouvez trouver ça sur YouTube si ça vous intéresse. Ok. Des fois, je trouve des dingueries hein, sur YouTube autour des adaptations de King. C'est genre Shining, le téléfilm, on l'a pas trouvé sur YouTube. Par contre, j'avais la compilation de toutes les coupures pub de Shining. Ça dure 1h30 et ça, c'est sur YouTube, tu vois. Mais à quoi ça sert ? Bah, je sais pas. Il y a des gens qui aiment bien voir des pubs, apparemment. Savoir ce qu'il y avait comme pub au moment de la diffusion de ce truc ? Ouais. Ok. Je sais pas, les chercheurs en Lost Media, ça m'étonnerait pas qu'il y en ait que ça intéresse, hein. Oui, peut-être. Après tout, des fois, il y a des pubs qui sont bien, hein, qui sont bien travaillées. Je veux bien comprendre oui, enfin, bon. L'idée, mais moi, ça me fait bizarre. Hein. Oui, mais là, c'est un téléfilm lambda, et il n'y a pas de raison de faire une pub particulière. C'est pas comme si c'était le Super Bowl, tu vois ce que je veux dire. Oh, c'est un téléfilm Stephen King, c'est 18 millions de spectateurs, hein, je te rappelle. À mon avis, ouais, mais ça coûtait cher, hein, les coupures pub sur ce genre de truc. Oui, mais les mecs ne peuvent pas prévoir en avance combien il va y avoir de spectateurs. Peut-être en se basant sur les anciennes voilà. adaptations King. Faire une estimation, alors que quelque chose comme le Super Bowl, ils savent très bien que là ça va surcartonner. Oui, Enfin bref, c'était la parenthèse. Ouais, voilà. Alors techniquement, il existe un DVD du film, mais je doute vraiment beaucoup que ce soit un truc officiel, parce que c'est un distributeur dont sur lequel je trouve quasiment aucune information sortie de leur site à eux. Et sur ce site, comme à différents autres endroits, c'est indiqué que le film durerait 112 minutes, donc qu'il existera un director's cut plus gore. Mais mis à part sur ce site et à quelques autres endroits où les infos n'ont pas l'air très fiables, je trouve vraiment aucune trace de ce director's cut. Donc est-ce qu'il existe vraiment, ou est-ce que c'est une erreur ou de l'arnaque? J'en sais rien. D'accord. Et le film a connu un remontage pour devenir un des sketchs des Nouvelles Aventures de Merlin l'Enchanteur, qui est le deuxième film de Kenneth J. Burton dont je parlais tout à l'heure, donc son seul autre film. Rien à voir avec Disney. Été... Non, rien à voir. Et donc dans cette version, les scènes les plus violentes sont enlevées. Il y a aussi tout ce qui concerne la possession de Suzanne, la nouvelle compagne, qui est enlevée. Donc elle disparaît de l'intrigue sans raison en milieu de segment. Et il y a des segments avec Merlin qui sont rajoutés pour le montrer qu'il cherche le singe. Et à la fin, Merlin arrive pour sauver la famille. Donc c'est une fin heureuse. Mais donc du coup, en fait, il ne se passe rien. Si tous les moments violents ont été retirés et les trucs liés à la possession de la nana, il se passe rien, littéralement. Ah non, à mon avis, c'est aussi triste que le 8e Gamera niveau montage à partir d'images existantes. Et ça a été diffusé, on peut le trouver aussi assez facilement. Alors on peut trouver la version normale des Nouvelles Aventures de Merlin sur des sites qui, à mon avis, d'habitude servent plutôt à héberger les films pour adultes, mais bon, passons. Sinon, on peut le trouver assez facilement pour sa diffusion dans Mystery Science Theater 3000, donc Mystery Science Theater 3000, qui, là, pour le coup, est une émission qui diffusait des nanars avec des personnages qui commentaient les films en direct. Donc t'as vraiment un commentaire par-dessus le film, un peu comme si ça filmait une soirée nanar avec des potes, sauf que c'était scénarisé. C'est un truc qui a eu pas mal de succès, il y a eu plusieurs centaines d'épisodes et ça a duré un moment comme émission. D'accord, rigolo. Aux États-Unis aussi. Bon, maintenant, t'as des mecs qui regardent des nanars sur Twitch, et voilà. C'est l'évolution. Oui, c'est ça. Bon, c'est plutôt sympa, ça permet de voir les nanars avec les gens. Moi, je trouve ça sympa, quand même. Oui, moi aussi, je trouve ça rigolo. Je crois que c'est... Enfin, il y en a plusieurs qui le font, mais je crois que c'est Seb Dugrenier qui fait ça, maintenant, pas mal. Seb, il fait surtout des émissions fantastiques, non? Enfin, à un moment, il en faisait alors, beaucoup. Alors, je crois justement qu'il a un peu épuisé le stock d'émissions fantastiques disponibles, et que du coup, maintenant, il est passé à des nanars. D'accord. Parce qu'il y a un mec aussi cosplayé en simili Captain Haddock qui fait pareil. Il y en a plusieurs. Hein. Il regarde des nanars tous les vendredis ou tous les samedis, je sais plus. Le principe est intéressant, hein. Ça m'amuserait presque de le faire à l'occasion. Hein. Oui, c'est rigolo. Il faut avoir, je pense, une communauté avec toi, par contre, sur le chat. Ouais, c'est ça, ou être plusieurs pour rebondir les uns sur les autres au début. Hein. Dans mon cas, faudrait que je compte sur des amis, pas sur la communauté du chat, effectivement. Bah, on pourra se faire ça prochainement avec nos copains de Twitch. Ouais, mais pas avec EKXV, j'ai dit avec des amis. Oh, l'enfoiré. Ah, coucou à lui. Coucou, il écoute toujours, normalement. Ah bah, il écoutera plus maintenant. Voilà, c'est ça. Enfin bref, du coup, c'est tout... Voilà, le film a connu un destin un peu étrange et maintenant, c'est grosso modo introuvable, en tout cas en qualité décente. Et mais, comme tu disais tout à l'heure, il y a une adaptation officielle qui est en cours de production, qui a été tournée. Ça s'est tourné en février-mars de cette année. Donc on n'a pas encore de date de sortie définie, mais à mon avis, ça ne devrait plus trop tarder. Réalisée par Oz Perkins et produite par James Wan. Bon, les productions de James Wan, c'est quand même souvent un peu inégal. Ouais. Et j'attends de voir quand même. Et voilà, donc tout ce que j'ai à dire sur la genèse de l'adaptation. Et nous allons pouvoir passer à nos avis. Je te laisse y aller. What do you want from me? Well, don't you think it's a little bit strange? That you don't water your mother's plants? No, not particularly. But I do. That's the whole point. These plants were perfectly healthy. Maybe not perfectly healthy, but they were alive and green this morning. This morning? Come on, David. I swear. It's the damnedest thing. I can't understand what would make them all die like that. Imagine, if you will, four dead plants and one apparently Thanks. Thanks. Big help. Big help. Oh, Pete, before I forget, could you do me a favor? That depends. On what? On whether or not it has anything to do with these dead clams. It does. Yeah, sure, shoot. Well, I gotta meet a client in a little while, and Susan was supposed to pick up Michael at the club, but she called and said she couldn't do it. What time? About an hour. Yeah, I'll pick him up. Great, would you? I appreciate it. Yeah, no problem. Now, if you'll forgive me, I'd like to get back to my own yard and put a couple of shrubs in the ground before they dry up. À l'aide, sauvez-moi de là. C'est très mauvais, c'est vraiment très mauvais. C'est mal réalisé, c'est mal joué, c'est mal monté. Les effets spéciaux, ça fait peur. Plus que le résultat final du film, en fait, c'est ça le problème. La vache, c'en était même pénible, en fait, par moment, tellement vraiment il n'y a pas grand-chose. Vas-y, avant qu'on entame les hostilités, je te laisse faire un tour, mais à mon avis, tu as le même ressenti. Ouais, un peu pareil, en fait. C'est... mais limite, tu vois, je commence à avoir une immunité envers ce genre de truc. Parce que oui, ça rejoint plein de trucs qu'on a déjà vus. C'est nul, c'est ultra Z. C'est pas le pire qu'on ait vu, mais effectivement, il n'y a rien qui marche parce que c'est mal joué, c'est mal écrit, on sent que ça étire son concept au-delà du raisonnable et que donc il se passe quasiment rien la plupart du temps. La bande-son est horrible aussi, hein. Je ne l'ai pas dit. Mais... La bande-son est vraiment nulle, la musique, on dirait qu'elle sort d'un dessin animé. Oui. Donc ouais, il n'y a rien qui marche, c'est pas bien du tout. Mais ça m'a pas énervé... Ah non, et c'est pas. Même pas le truc qui m'est le plus ennuyé de... Voilà, c'est... Il y a quand même un gros ventre mou, hein. Oui, c'est ça, entre la 10e minute et la 80e, il y a un ventre mou, mais... Mais ouais, bah tu sens... c'est limite amateur, en fait, celui-là. Oui, oui, clairement, oui. C'est peut-être pour ça que quasiment personne n'a rien fait d'autre au casting... Parce que, notamment les acteurs, tu sens que c'est pas des acteurs pros. C'est souvent très, très mauvais, leur jeu. Oui. Ah oui, oui. Alors le gamin, mon Dieu. Première réplique, c'est bon, tu comprends où t'es. Ouais. Oh, pas que le gamin. Il y a un ou deux moments où les autres m'ont fait éclater de rire. Notamment le voisin. Quand, juste après que le héros ait fait tomber sa femme de l'escalier, ah oui. Il appelle son voisin, et tout à coup, il se retourne, tu sais, pour jouer la surprise, mais là, c'est vraiment un dessin animé, sa manière de se retourner. Le voisin, dans mes notes, à un moment, j'ai noté, en majuscule, « Le voisin est insupportable », 5 points d'exclamation. Ah oui, c'est vraiment un énorme connard, le voisin. Il est insupportable, il fait des interventions qui ne servent à rien. Et des fois il surgit, il fait des blagues. Des fois il arrive, le mec est en train de réparer un truc dans sa bagnole, lui arrive avec une pelle et il lui fait une blague en mode « je vais t'attaquer, comment ça ? Pourquoi tu fais ça ?» C'est un peu ça aussi qui m'a fait me dire qu'il avait l'air d'être un peu plus qu'un simple voisin. C'est que vraiment il a l'air de complètement pouvoir rentrer dans la famille du héros sans rien dire auparavant. Ou alors c'est juste un stalker, un psychopathe et personne n'ose rien lui dire. Hein. Oui, peut-être. Et en fait, il y a un double sens de lecture dans le film, on l'a pas compris. On est trop con, Issam. C'est peut-être ça. Peut-être que c'est pas le singe, le tueur, mais que c'est le voisin à chaque fois qui l'a manipulé, Suzanne, jusqu'à ce qu'elle veuille tuer l'enfant. Mais pourtant, à la limite, au tout début, je me suis dit que ça irait peut-être parce que la première scène, elle est très mal jouée, elle est mal filmée, mais à la limite, tu peux te dire c'est une petite série Z qui pourra être un peu rigolote, un peu sympa. Celle avec la planche de Ouija. Ouais, celle avec la planche de Ouija, pardon. Moi, j'ai même noté que l'ouverture du film avec le travelling là à travers le petit bois, alors oui, c'est le... L'ouverture est cliché, mais c'est pas inintéressant. Oui. Oui, c'est très convenu, mais voilà, le décor est pas le plus dégueulasse qu'on ait vu, en plus. Voilà. Donc après, oui, t'as la petite vieille avec le Ouija qui communique, je pense, c'est pas dit clairement, mais qui essaye de communiquer avec son mari défunt, je pense que c'est ça, et qui du coup invoque une entité démoniaque à la place de son mari, entité démoniaque qui va prendre possession du singe et qui va faire littéralement tout péter, hein, c'est l'apocalypse. Hein. Ouais. Littéralement, il y a un éclair qui s'abat sur la maison et le toit de la maison explose. Non mais tu te dis, ah oui, quand même. C'est pas la démesure à part ça, là-dedans. Mais bon, après, cette scène en soi ne sert à rien, parce que ça reviendra vaguement par la suite, mais ce sera quand même très, très secondaire. Oui, oui, carrément. Carrément, carrément. J'ai noté qu'ils devaient être fiers de leur plan, parce que à un moment, il y a la petite maquette là qui prend feu, et ça dure pendant 20 secondes, la maquette de la maison qui est en flamme. Vraiment, la caméra est dessus pendant 20-30 secondes, je me suis dit, ah, ils étaient fiers de ce plan-là, qu'est-ce qui se passe ? Ah, ça doit être le plan le plus travaillé du film en même temps. Pas loin en tout cas. Une petite maquette toute mignonne, moi qui aime beaucoup les maquettes, dans les vieux films, ça m'a fait plaisir. Et c'est après qu'on arrive dans le nanar. Ouais, voilà, parce qu'après on a la présentation de la famille, et directement c'est long quoi. Ouais. Bah déjà t'as le père, le gamin là, qui ont une conversation dans la voiture, le gamin qui fait semblant de conduire la voiture, après t'as le voisin qui arrive. Moi j'ai noté, seul le chien semble être content d'être là. Voilà. Et oui, c'est interminable. Et... D'autant plus que, encore une fois, on l'a dit tout à l'heure, on ne comprend pas bien quelles sont les relations dans cette famille. Enfin, on comprend le père et le fils, mais Suzanne, est-ce que c'est la mère ou pas, j'ai quand même un doute, moi. Parce qu'elle, Suzanne, on la voit juste à ce moment-là vaquer à ses occupations. C'est elle qui achète le singe. Ouais. Dans une vieille boutique prêteur sur gage, sans doute. Et tu te dis, putain, mais quel drôle de cadeau d'anniversaire quand même pour un gamin de 9 ans. Moi, j'aurais pas osé, personnellement. Non, effectivement, il est terrifiant. J'aurais dit plus une sorte de brocanteur, tu sais, qui récupère les trucs après un sinistre ou après un décès. Oui, je vois. Il y en a qui sont spécialisés un peu là-dedans. Les objets dégueulasses du quotidien. Ouais. Il y a toute la scène aussi où on voit le père et le fils à une espèce de fête foraine. Bah c'est toute l'introduction. Ça sert à rien, ouais. Parce que je pensais que ce serait là qu'il récupérerait le singe, moi, mais finalement non. Mais non, non, effectivement, elle ne sert à rien, c'est juste pour montrer un moment de quotidien joyeux. Le problème, c'est que ça dure trop longtemps, ça doit durer 3-4 minutes facile. Au bout d'un moment, ouais, voilà, dis, mais c'est arrêtez, ça. On a compris. Et donc le singe est offert au gamin et ça a l'air d'être son jouet préféré pour son anniversaire. Ouais, alors qu'il a quand même des putains de cadeaux à côté, c'est quand même incroyable. Oui, oui, ça m'échappe à moi aussi. Et moi je serais gamin, je préférerais jouer avec les grosses maquettes Star Wars, parce que c'est ça qu'il a comme autre cadeau, plutôt qu'avec cette merde de singe et des vieilles lunettes dégueulasses où t'as des yeux qui ressortent à ressort là. Peut-être parce que tu sais que le prix des maquettes Star Wars a été multiplié par 50 depuis la sortie du film, probablement. Ou peut-être que, me connaissant gamin, je pense que le singe m'aurait fait flipper. J'ai l'impression qu'ils ont pris le pire modèle de singe à 5 balles qu'on puisse trouver. Oui, c'est ça. En fait, ils ont... Il a un sourire. Et du coup, ça me rappelle involontairement le ça de la dernière adaptation qui fait peur, vraiment. De premier abord, oui. Quoi. C'est, tu dis, ben non, c'est pas possible que des enfants l'approchent. De base, il est terrifiant. Oui, oui, il y a un peu de ça. Il y a ce truc qui marche pas de... Mais je sais même pas si c'est volontaire ou si c'est juste qu'il est dégueulasse, parce que ça m'étonnerait qu'ils l'aient fait eux-mêmes, le singe. À mon avis, ils l'ont acheté. Ben, je sais pas. Vu qu'on n'a pas d'infos. Après, c'est vrai que ça a pas un... J'ai jamais vu de modèle de ce type de jouet qui soit vraiment attrayant, mais celui-là fait particulièrement peur, quoi. Donc voilà, c'est la... Il y a peut-être un biais. Les vieux jeux, ça... Enfin, les vieilles poupées et les vieilles peluches, ça a quand même assez, de manière récurrente, tendance à me faire un peu... Être mal à l'aise. Flipper, ouais, ça met mal à l'aise, je trouve. C'est pas tant, oui, voilà, c'est pas tant de la peur que du mal-être, en fait, quand tu les vois. Je sais pas à quoi c'est dû, mais j'ai l'impression que ça fait ça à beaucoup de monde, pour le coup. Mais du coup, c'est peut-être ça, c'est peut-être qu'on n'est pas de la bonne génération. Mais bon, en même temps, le film date des années 80, c'est pas non plus méga vieux, quoi. Bah voilà, c'est ça. Donc c'est étrange. Mais donc, après, il y a encore beaucoup de temps qui passe avant que le singe fasse ses premiers trucs. Il y a la scène où le fils regarde la télévision trop fort, et du coup, le père râle, et puis après, il le rejoint, et c'est long. Oui. Alors, anecdote, je connais ce dessin animé. Voilà. C'est quoi ? Je sais pas, mais je connais ce dessin animé. J'ai souvenir de l'avoir déjà vu. D'accord. mais ça s'arrête là. J'ai pas du tout identifié, moi. J'ai juste souvenir d'avoir déjà vu ce cartoon. Ok. Voilà. On a qu'à organiser un jeu concours. La personne qui retrouve le cartoon gagne. On va envoyer un extrait à Fail Dupe et puis on va faire une recherche de Lost Media. Ouais, il va le retrouver dans un porno, on va pas comprendre. T'as vu cette histoire Oui, j'ai vu. Je l'ai regardé ce matin même. C'est extraordinaire, ça. C'est vraiment extraordinaire. Oui. J'ai regardé ce matin même la vidéo de Fail Dupe, hein, pas le porno dont c'est tiré. C'est pas moi qui ai retrouvé la musique. Mais non, mais on peut aller vérifier quand même, tu vois, après, vérifier les sources, quoi. Oui, bah tu fais ce que tu veux. On n'a pas parlé du fait que le père a eu un cauchemar où il a vu son fils mort noyé. Ouais, j'allais le dire, et c'est peut-être un truc qui est une bonne idée, ça, pour le coup. Ouais, bah c'est dommage que le moment soit très très cut, en fait. Et pareil, oui. Le jeu de l'acteur, tout ça, quoi, c'est dommage, parce que sinon l'idée en elle-même est pas mauvaise. C'est peut-être très cut en partie parce que l'enfant est amateur et compagnie. Mais et du coup, lui mettre la tête dans l'eau, on pouvait pas le faire trop longtemps, quoi. Oui, bah ça, ils vont le faire plusieurs fois dans le film. Hein. Ouais, mais à chaque fois, assez brièvement. Oui, c'est vrai. Ça aurait pu être une bonne idée, les cauchemars, mais pareil, je trouve que c'est pas suffisamment employé au cours du film pour vraiment prendre. Ce qui est une bonne idée, en revanche, je trouve, mais pareil, c'est une bonne idée, mais c'est pas vraiment exploité. C'est le fait qu'une fois que le singe est là, il commence à avoir des micros événements, genre les plantes qui se mettent à mourir en même temps, pareil, les mouches. C'est même l'une des premières victimes, en fait, du singe quand il est dans la famille, c'est une mouche. Parce qu'à un moment, il y a les cymbales qui s'entrechoquent, pardon. Et il y a une mouche qui emmerdait le personnage principal qui meurt direct. Le poisson ouais. rouge aussi. Tout ça, en fait, c'est des bonnes idées, mais le problème... C'est que le personnage principal, bah, il voit toutes ses plantes crever, il le dit à son voisin slash frangin, et il passe à autre chose direct. Il a l'air de s'en contrefoutre. Ouais, il va pas plus s'enquêter que ça, ouais. Tu dis, bah, je sais pas, moi, tout d'un coup, du jour au lendemain, toutes les plantes de chez moi, elles crèvent en même temps, bah, je me pose des questions, quoi. Je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Oui, sans forcément soupçonner le truc fantastique au départ. Oui, voilà. Mais je me dis, il y a peut-être un problème environnemental. C'est ça, tu vas chercher la... avec l'eau. Tu vas chercher la présence d'insectes, parasites, l'eau. Tu vas enquêter un minimum, quoi. T'as toutes les plantes de chez toi qui ont cané en même temps. C'est quand même ouais, particulier. C'est normalement inquiétant. Mais oui, voilà. Du coup, c'est dommage, parce que du coup, ça ne marche pas avec le personnage. On n'a rien à foutre. Je vois pas pourquoi moi, spectateur, j'en aurai quelque chose à foutre, du coup. La mouche, d'ailleurs, la scène de la mouche, pour le coup, c'est repris à la nouvelle. Oui, je m'en souviens. L'idée de la c'est dans un autre contexte dans la nouvelle, mais c'est dedans. Oui. C'est au final l'un des seuls trucs qui vient de la nouvelle. Bon, avec l'idée du singe qui peut prendre possession des gens, ou un peu les manipuler, et peut-être la fin, finalement. La fin, ça part aussi en tempête, alors il n'y a pas le lac, parce qu'il n'y aurait clairement pas eu le budget pour ça, mais... Mais il y a la tempête quand il essaie d'enterrer le singe et compagnie, tu vois. Bah après, il y a des tempêtes dans tous les trucs de possession démoniaque. Oui, c'est pas faux. Mais donc voilà, après tout ça, t'as 45 minutes d'ennui, facile. Oui. Ou vraiment ça fait déjà un moment. Ça fait déjà un moment que le film a commencé, là. Oui, hein, déjà. Ça fait longtemps à arriver tous ces trucs-là. Mais vraiment là, à partir de là, t'as plus rien jusqu'à l'incendie dans le garage. Et ça représente quand même de longues minutes. Ouais. Donc l'incendie dans le garage qui va permettre de tuer le chien. Ouais, voilà. Séquence qui fait très destination finale. T'as une espèce de petite bassine avec dedans un liquide inflammable. Le singe provoque l'explosion d'une ampoule au plafond. Du coup, une étincelle tombe dans le liquide et du coup, un incendie se déclare. Ça fait très destination finale, je trouve. Oui. Dans l'esprit. Bah... Pour le coup, je pense qu'on a peut-être tendance à vite songer à destination finale quand on a des trucs d'accident comme ça oui. Dans un film. Oui, oui, clairement. Mais et du coup, c'est comme toutes les autres scènes. Cette scène aurait pu être maîtrisée. Le problème, c'est que bah, le montage suit pas, la réalisation suit pas, la BO suit pas, parce que t'as une musique de dessin animé comme tu l'as évoqué toi-même. Y a rien qui va, alors que ça aurait pu être une scène déjà qui réveille le spectateur, parce qu'il s'est pas passé grand-chose depuis un bon moment. Et c'est aussi l'une des premières fois où la compagne est envoûtée, d'ailleurs. Oui, parce qu'elle réagit pas, c'est ça? Oui, c'est ça. Et elle augmente même le son de la télé. Oui, effectivement. Même si, bon, à mon avis, ça permet pas de dissimuler longtemps un incendie comme ça, même à l'enfant, hein, normalement. Mais normalement, tout le monde aurait dû être en mode branle-bas de combat, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Ça se voit vite, autant de fumée, même de dehors. Enfin, je pense qu'il y aurait eu des réactions, mais bon, admettons. Et voilà, c'est ça. Là où ça marche moyennement aussi, comparé à ce que pourrait faire un Destination Finale, ou ce que réussit à faire la nouvelle, c'est que ça ne laisse pas de doute. Destination Finale, ça laisse un doute sur comment la personne va mourir. Mmh. La nouvelle, elle laisse un doute sur qui va mourir. Là, il n'y a pas du tout ça, donc finalement, ça enlève quand même un facteur de tension, je trouve. Oui, on est d'accord. En même temps, il y a trois personnages dans le film, donc ça aide pas à créer une tension, ça c'est sûr. Parce que là, en plus, t'as l'impression que du coup, le singe de la version film ne peut faire des victimes que s'il les a vraiment dans le champ de vision ou pas loin. Alors que dans la nouvelle, ça peut être des victimes qui sont loin de lui. C'est pour ça que t'as le doute. Il y a l'air d'y avoir un rayon d'action quand même dans la nouvelle, mais oui, moins lointain en tout cas. Voilà. Ou alors dans la nouvelle, j'ai l'impression qu'il faut que quelqu'un soit proche de lui, et là, il peut tuer tous ses proches, mais il faut qu'il y ait cette proximité de base. Voilà. Mais en effet, dans le film, il faut que ce soit dans la maison. Ça, voilà. Well, what did you learn from your reading? Just refresher. I remembered that demons can only be brought into this world through someone who already exists here. They can't come on their own. And sometimes demons are brought here unwillingly, causing them to be volatile and hostile. Well, aren't they already volatile and hostile? I mean, they are demons. Yes, but they can be worse when they're conjured without their consent. Look, Adrian, I've been thinking. My son just had a birthday, and one of his presents was this antique toy monkey. You're not going to like this, David, but we have a very serious situation here. And unfortunately, I'm not going to be able to deal with it personally. Because of its nature, you're going to have to deal with it alone. Why do I have to deal with it alone? Listen to me, David. As a psychic, I have an aura of a certain nature that the demon would unquestionably sense. The moment I stepped into your house, all hell would break loose, literally. Yeah, but what am I supposed to do? I don't know anything about evil spirits. Get that toy out of your house. Well, I have a feeling that's not going to be so easy to do. What's that? It's called a bethogram. Oh, this is supposed to protect me from the demon, huh? Yeah, just keep it in your possession at all times. Great, great. Should I wear garlic around my neck, too? My God, David. I'm sorry. Look, I appreciate your help. I just wish you could come. I know. I am sorry. I wish I could do the exorcism for you, but this is something you'll have to do on your own. And remember, David, never let it know. Et donc le singe là va commencer à sérieusement prendre possession de Suzanne, qui va essayer deux fois de tuer le gamin. Mmh. Première leçon d'apnée en l'étouffant avec un oreiller. Ouais, c'est ça. Et là en fait c'est tellement mal fait que j'ai cru que c'était une scène de rêve. Oui, moi aussi. Parce que tout à coup elle enlève l'oreiller et là elle est toute aimante et personne ne se rend compte de rien. Mais non, en fait, tu t'es fait mettre un oreiller sur la tête pendant 30 secondes, tu sais qu'il s'est passé quelque chose, tu passes pas à la suite sans réaction, même quand t'es gamin, je pense. Ah, la scène est ultra nanarlande. C'est incroyable, cette scène. C'est vraiment... Elle l'étouffe, lui s'agite, et dès que le mari fait irruption dans la pièce, elle retire l'oreiller. Oh non, il a juste fait un cauchemar, le pauvre petit. Mais comment ça? Ah oui, non, mais vraiment, j'ai cru que c'était une scène de rêve, tellement c'était pas crédible, moi. Je l'ai même noté, hein, l'acting est horrible. Ouais. Ensuite vient la seconde leçon d'apnée, où cette fois-ci, c'est dans le bain. Ouais. Et je crois qu'elle lui fait un shampoing, et puis du coup, elle essaye de le noyer. Après oui, c'est ça. Ça, elle lui dit de mettre la tête sous l'eau pour se rincer, et elle lui maintient la tête sous l'eau. Alors que bon. Ce qui correspond au cauchemar du père. Oui. Au début. Alors que bon, pour te rincer les cheveux, normalement, t'as pas besoin de mettre la tête entière sous l'eau, hein, au secours. Ouais, bon, ça... Et puis surtout pas dans cette direction-là, en fait. Tu mets pas le visage en premier si tu veux te rincer les cheveux. Y a rien qui va. Oui, et puis, bah, à la limite, pour te rincer les cheveux, tu n'utilises pas de l'eau dans laquelle il y a déjà de la mousse, a priori, vu que oui, tu t'es lavé les cheveux dedans. Oui, tu utilises de l'eau qui sort directement du pommeau. Mais bon, ça, admettons, il a 5 ans, 6 ans, je sais pas quel âge il a, mais qu'il y a moyen de le convaincre de ça. Voilà, il a 5 ans, c'est un film de merde, bon, bref, voilà. Ouais, c'est ça. Du coup, le père l'a fait irruption également, dans la salle de bain. Voilà, il la surprend, donc là, lui, il n'a plus aucun doute, hein, il la vire de la salle de bain, il y a une embrouille. Ouais. Et l'accident bête. Ouais, il la pousse un peu hors de la maison, et il y a un petit perron avec 3-4 marches. Elle tombe et elle se brise le crâne sur le macadam. Voilà, d'où l'intérêt de faire construire ces maisons à plein pied, messieurs, dames. Voilà. Ouais. Elle évite les accidents bêtes. Elle ne meurt pas, mais elle va à l'hôpital. Ouais, mais bon. Voilà. Ça aurait évité tout ça. Oui. Donc, on précise pas, mais entre quasiment chaque scène, on a le voisin qui vient faire coucou et faire une blague et proposer une bière. C'est là qu'il vient proposer des bières, d'ailleurs. Non, c'est après. C'est plus tard ? C'est plus tard. Parce que quand ils proposent des bières et qu'ils sont super détendus alors qu'il s'est passé des trucs horribles, c'est fou. C'est après, c'est au moment où le père pense s'en être débarrassé du singe. Donc c'est bien après encore. Ah oui. Parce que là, déjà il commence à se poser des questions sur le singe et à contacter des médiums, je crois, à ce moment-là. Oui, c'est ça, qui est une amie à lui apparemment. Qui lui conseille des médiums. Ouais. Qui, dans un premier temps, lui conseille de ne rien faire. Hein. Oui, c'est super. C'est ça. Ah bah, faites comme si vous n'aviez rien vu, hein. Faites comme s'il n'était pas là. Ouais. Ne vous inquiétez pas, merci. Ça va bien se passer. Merci Josiane, heureusement que je te paye pas, quoi. Voilà. Bah, du coup, ça change pas grand-chose à la situation, et continue à faire des cauchemars dégueulasses, sauf que là, maintenant, il y a une grosse créature poilue qui le poursuit dans les cauchemars. T'imagines les Conjuring avec le même effet, ils vont voir les époux Warren. Ouais, non, mais ça va lui passer à votre fils. Faites comme si vous le voyez pas, il cherche juste à attirer l'attention. Comment ça, un singe à sa balle, c'est pas assez vendeur, ça. Barrez-vous de là. Donc, voilà, c'est... Il fait comme si il avait rien vu, jusqu'à ce qu'il se dise que quand même faut faire quelque chose, et là, elle va finir par lui donner un médaillon, un peu. Ouais, une espèce de médaillon talisman ultra cheap. C'est l'étoile de shérif de Walker Texas Rangers. Vraiment, le truc ne ressemble à rien. Elle lui dit bien, surtout vous le portez tout le temps sur vous, qu'est-ce qu'il fait ce con qui rentre chez lui ? Eh ben il le porte pas sur lui. Et du coup il se fait attaquer par sa douche, voilà. Ouais. Elle lui dit aussi de se débarrasser assez vite du singe. Oui, du singe. Et du coup lui, non, bah, il préfère aller prendre une douche avant. Bah écoute, il est sale. Et du coup il se fait attaquer par sa douche. L'eau qui augmente toute seule devient bouillante. Et au bout d'un moment, il y a une espèce de matière bizarre qui l'asperge. Ouais, les égouts, plus ou moins, j'imagine. Et donc, j'ai noté, pour citer un grand film français, « Mais qu'est-ce que c'est que cette matière ?»« Mais c'est de la merde !» J'y ai pensé aussi. Voilà, parce que citer « Le Père Noël est une ordure », ça fait toujours plaisir. Bon, sachant que normalement la cabine de douche elle est petite, le jet de douche assez puissant, de l'eau bouillante, ça pardonne pas, hein, normalement. Tu fais pas une scène de 5 minutes où un mec essaie laborieusement d'ouvrir sa porte de douche puis de monter par au-dessus, un peu façon vieillard en EHPAD, vu son agilité. Normalement il est bouillanté avant. Ah bah, normalement ça laisse des traces, ces conneries. Mais là, non, il s'en sortira plutôt bien. Et pourquoi il survit, d'ailleurs ? Pourquoi le singe s'arrête ? Très bonne question, tiens. Bah, il s'arrête tout seul, le singe, j'ai pas de raison. Ouais. En fait, je pense que le singe se dit « Ah, ce con va réussir à sortir de la douche, donc je m'arrête. » Et puis finalement, bah, voilà. Il avait pas l'air particulièrement prêt à sortir de la douche, mais bon. Bah non. Soit. Mais bon, c'est un film. Hein. L'intrigue n'aurait pas pu continuer, sinon. Ouais. Enfin, l'intrigue. Lol. Ça, pour le coup, ça fait très mauvaise scène de Freddy, cette histoire de douche, je trouve. Oui. Ça pousse le fantastique un peu trop loin. Bah, ça le pousse dans une direction qu'on n'avait pas eue auparavant, en fait. C'est surtout ça, le problème. Enfin, encore, la température qui augmente, je veux bien, mais que le pommeau se mette à s'agiter tout seul et qu'après, ça crache de la boue, bon, là, ça va loin. Ouais. Il y avait déjà eu une histoire d'eau bouillante dans The Mangler 2. C'est un truc de grand film, visiblement. Effectivement. Est-ce que tu te souviens du stratagème employé par le personnage pour se débarrasser du singe ? C'est incroyable. Alors, d'abord, il essaie de le faire tomber avec l'aspirateur. D'abord avec le balai. Non, avec un truc pour la poussière. Oui. Après, il passe à l'aspirateur en tapant dans la table jusqu'à ce que le singe tombe sur une... Dans un sac. Dans un sac. Et il le jette à la poubelle à 10 mètres devant chez lui. Voilà. Et moi, du coup, j'ai noté, mais si le talisman le protège lui... Pourquoi user d'un tel stratagème merdique pour jeter le singe ? Pourquoi ne pas juste le prendre et le mettre à la poubelle, du coup, si le talisman est censé protéger, c'est bizarre. Parce qu'il s'est souvenu de ce que la médium avait dit, comme quoi il fallait pas que le singe se rende compte qu'on essaie de se débarrasser de lui. Ah, je me souviens pas de ça. D'accord. Oui, non, mais ça reste débile, hein, on est d'accord. D'accord. Mais enfin, ça se voit quand même qu'il essaie de s'en débarrasser. Le singe est pas non plus teubé totalement. Si ? On sait pas. Bah, on sait pas, hein. Je sais pas quelle est l'intelligence d'un singe mécanique. Et donc c'est là que le voisin vient avec les binouzes. Oui. C'est à ce moment-là. Et à ce moment-là, lui, le gamin, fait du vélo dehors et il retrouve le singe. Et donc, il remet le singe à l'intérieur. Parce qu'en faisant du vélo, il fait tomber la poubelle. Ouais. Sans... Et là, le singe essaie de tuer le gamin. Mais le... là, c'est aussi une scène qui est dans le King... dans la nouvelle. Au moment où il va claquer des cymbales, le père met sa main. Ouais. Là, pour le coup, ça marche presque un peu, ça. Oui, mais du coup, je me fais la réflexion, tout comme je me l'étais fait dans la nouvelle, bah du coup, il suffit juste de détacher les cymbales, en fait. Et t'as gagné. En soi, oui. Donc du coup, c'est complètement con. Voilà. Je m'étais juste fait cette réflexion sur les deux supports. Effectivement, t'as pas tort. Mais, peut-être qu'elles sont inamovibles. Et, oui, mais tu prends un ciseau dans ce cas-là. T'en vires au moins une, tu t'en fous. Oui. La séquence où le gamin frôle de se faire renverser. Déjà, le gamin fonce dans la rue alors qu'il a parfaitement la visibilité. Il voit la bagnole arriver sur lui. Qu'est-ce qu'il fait ? Qu'est-ce qu'il fait ? Les gamins, des fois, c'est un peu con. C'est vrai. L'autre lourdeau là, qui drague la nana en, en vélo. À la limite, ça, d'accord. Mais voilà, la scène en elle-même est plutôt ridicule. Et donc là, il va amener le singe plus loin pour l'enterrer, pour vraiment s'en débarrasser. Mmh. Donc il y a une espèce de tempête démoniaque, mais comme il n'y a pas de budget, c'est mal fait. Oh, c'est même plus qu'une tempête, il y a carrément le sol qui souffre à un moment, souviens-toi. Oui, bah c'est une tempête démoniaque. À deux doigts de se faire bouffer par le sol, par une crevasse qui est apparue dans le sol. Enfin, une crevasse. Un fossé. Mais bon, tout se finit bien, il s'en sort. Bah, il y a un arbre qui lui tombe sur la gueule, quand même. Oui, bah, mais il s'en sort, il a pas l'air particulièrement blessé. C'est vrai. Il est résistant, hein, comme personnage. C'est vrai. Là, tu penses que c'est la fin du film. Mais non. Ils ont pas décidé à te libérer encore. Donc, il rentre chez lui, il retrouve tout le monde est heureux, ça dure encore longtemps. Et on n'a pas dit, mais à partir du moment où la compagne est tombée de... a eu son accident, elle a disparu du film. On ne la voit plus, on n'en reparle plus. Ouais, on sait qu'elle est à l'hôpital, mais c'est vrai qu'on n'en reparlera quasiment pas du film. C'est quand même incroyable. Comment se débarrasser d'un personnage. Je pense que l'actrice avait terminé son tournage et que... Allez, hop, au revoir. Et qu'ils ont dû... voilà, c'est ça. Hein. Et du coup, ça doit faire encore plus violent dans la version Merlin l'Enchanteur, vu qu'on a enlevé tout ce qui concerne sa possession, donc là, elle doit tout bonnement disparaître, en fait. Ah oui. Et donc là, tout le monde rentre, et puis tout à coup, le singe est là. C'est ça, on sait pas comment, on sait pas pourquoi. Ouais. Mais du coup, et là, gros tremblement de terre dans la maison. Ouais. Il tape une fois dans ses cymbales et il y a un bruit de tremblement de terre, d'effondrement, d'explosion. Mais c'est sur un écran noir parce qu'il n'y avait pas le budget. Voilà, c'est sur le bruit du tintement des cymbales que le film s'arrête. Générique. Ouais. Voilà. Une fin... typiquement de ce genre de film de ces années-là. Oh oui, complètement. La fin n'a strictement rien d'étonnant pour cette époque. Bilan, bah c'était nul. Ouais. Ouais, c'était vraiment pas bien. On comprend pourquoi le film est tombé dans l'oubli. Pourquoi il est jamais ressorti après, d'ici qu'un éditeur, là aussi, flash dessus et veuille tout à coup nous en faire une belle édition, on n'est pas à l'abri, hein, mais ouais, bon. Enfin bon, quand même, quoi. Je peux comprendre... C'est vrai que sur celui-là, je peux comprendre tout le monde que... est quand même oublié. Je peux comprendre que certains se disent « Oh, allez, rééditer le vieux film Super Mario Bros, pourquoi pas, allez, ça peut être rigolo. » Mais là, vraiment... Au secours. Ouais, dans la mesure où tout le monde est inconnu dessus et où c'est même pas une adaptation officielle voilà. de King, effectivement, celui-là, c'est peut-être plus probable qu'il tombe complètement dans l'oubli. Voilà, et on n'en voudra personne. Non. Enfin, non, là, personne. Ça va être dur. Disons que, en vrai de vrai, pour la sauvegarde de l'histoire du cinéma, c'est bien qu'il y ait une copie quelque part, mais voilà. Disons que si elle n'est pas chez moi, c'est pas grave. Ouais, voilà, il n'y a pas besoin de copie domestique. Faudrait qu'il y ait des sites où on trouve tous ces trucs-là sans avoir effectivement à les acheter dans des copies très élaborées qui servent pas à grand-chose, très honnêtement. Ouais, des sites qui seraient là pour la sauvegarde du patrimoine du cinéma, quoi. Ouais, ce qui existe un peu, hein, en réalité. Ouais, mais ça, c'est très souvent pour des trucs qui sont totalement libres de droit. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui en veut des droits de ce film ? Bah son créateur peut-être, son réalisateur. Ouais, peut-être. Qui est toujours vivant, il me semble. Je ne sais pas. C'est dur à dire vu qu'on trouve pas d'informations dessus. J'ai pas vu d'informations comme quoi il aurait été mort, mais j'en ai aucune comme quoi il serait vivant non plus. Bon, on essaie quand même de trouver une scène. Eh bah, on va essayer. Let the monkey jive, we can have our fun, as we're hopping back, out on Highway 1. Let him take the wheel, beneath the setting sun, let the monkey drive, out on Highway 1. Très bien, je vais donc lire un passage tiré de la fin de la nouvelle, quand Al, dans la nouvelle, décide de se débarrasser du singe, et veut donc le jeter au milieu d'un lac. Je lis l'édition France Loisirs de Brume, je suis à la page 207. La traduction est de Michel Pressé et Serge Quadrupani. Je ne sais pas si les deux ont travaillé ensemble sur l'intégralité des nouvelles ou si le travail a été distribué de l'un à l'autre, donc je ne peux pas plus préciser. Tout ce qu'on sait, c'est que l'un des deux n'a pas pris son temps. Voilà, c'est ça. Je crois que tu l'as fait vraiment à chaque fois. Hein. Pardon. Non, mais elle est bien, elle est bien. Pity se pencha sur l'embarcation et l'arrière frotta sur le sable. Al poussa avec une rame et tout à coup la sensation d'être attaché à la terre disparut et la barque se mit à bouger légèrement, libre à nouveau après toutes ces années passées dans l'obscurité du hangar, bercée par les vagues légères. Al détacha l'autre rame et referma les dames de nage. « Sois prudent, papa, » lança Pity. « Ça ne sera pas long, » promit Al, mais il regarda le sac de voyage d'un air interrogateur. Il commença à ramer, penché dans l'effort. Il sentit bientôt la vieille douleur familière se réveiller au creux de ses reins et entre ses épaules. La rive s'éloigna. Comme par magie, Pity avait à nouveau 8 ans, 6. C'était un petit garçon de 4 ans debout au bord de l'eau. Il abritait ses yeux derrière une menotte de nouveau-né. Al laissait son regard errer sur la rive, mais ne s'accordait pas le droit de l'inspecter. Il n'était plus revenu là depuis 15 ans, et, s'il se mettait à examiner le rivage, il noterait les changements plutôt que les similitudes, et cela l'absorberait trop. Le soleil tapait sur son cou et il se mit à transpirer. Il regarda le sac de voyage et perdit un instant le rythme, se penchait en avant, tirait vers soi. Le sac semblait plein à craquer. Il accéléra ses mouvements. Le vent se leva, séchant sa sueur et rafraîchissant sa peau. L'embarcation se souleva et lorsqu'elle retomba, des gerbes d'eau jaillirent des deux côtés de sa proue. Le vent ne s'était-il pas rafraîchi depuis une ou deux minutes ? Est-ce que Pity ne lui criait pas quelque chose ? Oui. Avec tout ce vent, Al ne parvint pas à entendre. Cela n'avait pas d'importance. Se débarrasser du singe pour 20 ans, ou peut-être, s'il vous plaît, mon Dieu, pour toujours ? Pour toujours, voilà ce qui importait. L'embarcation se cabra et retomba. Il jeta un coup d'œil sur sa gauche et vit de minuscules moutons qui se formaient à la surface de l'eau. Il regarda à nouveau vers la rive et aperçut Hunter's Point et une épave effondrée, certainement tout ce qui restait du hangar à bateau des Burden que Bill et lui avaient connu enfant. Il y était presque. Presque arrivé à l'endroit où la fameuse Studebaker d'Amos Culligan avait plongé sous la glace un jour de décembre, il y avait de cela bien longtemps. Petey lui criait quelque chose. Il criait et montrait quelque chose du doigt. Hal ne l'entendait toujours pas. La barque roulait et tanguait, projetant des nuées de fines gouttelettes de part et d'autre de sa proue écaillée. L'une d'entre elles s'irisa d'un minuscule arc-en-ciel bientôt déchiqueté. Ombre et lumière se poursuivaient sur le lac, striant le ciel comme des persiennes. Les vagues n'étaient plus douces à présent. Le moutonnement avait grossi. La sueur de Hal s'était changée en chair de poule et les gouttes d'eau avaient trempé sa veste. Il ramait, le visage sombre, les yeux posés tour à tour sur la berge et sur le sac de voyage. L'embarcation fut à nouveau soulevée, si haut cette fois-ci que pendant un instant la rame gauche s'enfonça dans l'air et non dans l'eau. Petey montrait le ciel du doigt. Son cri n'était plus à présent qu'un son à peine audible. Hal regarda par-dessus son épaule. Le lac était agité de vagues terribles. Il était maintenant d'un épouvantable bleu sombre ourlé de blanc. Dans le ciel, une ombre se précipitait vers la barque. Il y avait dans sa forme quelque chose de familier, de si terriblement familier que Hal leva les yeux et qu'un hurlement s'étrangla dans sa gorge nouée. Le soleil brillant derrière le nuage le façonnait en un volume bossué qui tenait deux croissants d'or écartés. Par deux lambeaux arrachés à l'une de ses extrémités, la lumière se déversait à flots. Lorsque le nuage passa au-dessus de la barque, les cymbales du singe, à peine étouffées par le sac de voyage, se mirent à battre. « Zing, zing, zing, zing, ton tour est arrivé, Hal. Ton tour est enfin arrivé. Tu te trouves à l'endroit le plus profond du lac. C'est ton tour, ton tour, ton tour !» Tous les repères nécessaires étaient en place sur le rivage. La carcasse rouillée de la Studebaker d'Amos Culligan gisait quelque part au fond. C'était là que se trouvaient les plus gros. Il y était. Hal borda les rames dans les dames de nage en un tour de main, se pencha en avant sans se soucier du roulis et empoigna le sac de voyage. Les cymbales s'obstinaient dans leur scansion barbare. Les côtés du sac mugissaient comme s'il s'en échappait une ténébreuse respiration. « Ici, espèce de fils de pute !» hurla Hal. « Ici !» Il jeta le sac par-dessus bord. Celui-ci s'enfonça rapidement. Hal le vit tomber, oscillant d'un côté puis de l'autre, et pendant un interminable instant, il entendit encore le claquement des cymbales. Les eaux noires semblèrent s'éclaircir un peu et il put plonger son regard au fond des flots terribles là où se trouvaient les plus gros. La Studebaker d'Amos Culligan était là. La mère de Hal se tenait assise derrière le volant gluant, squelette souriant dont une des orbites, décharnée, abritait une perche qui le dévisageait froidement. Oncle Will et Tante Ida étaient nonchalamment installés près d'elle et les cheveux gris de Tante Ida flottaient vers le haut pendant que le sac tombait, tournant sur lui-même, et que de petites bulles argentées remontaient vers la surface. Zing, zing, zing, zing. Hal replongea précipitamment les rames dans l'eau en s'écorchant les jointures des doigts. Seigneur, l'arrière de la Studebaker d'Amos Culligan était plein d'enfants morts. Charlie Silverman, Johnny McCabe, et il commença à faire virer l'embarcation. Tout à coup, il entendit entre ses pieds un craquement sec semblable à une détonation et soudain l'eau jaillit entre deux planches. La barque était vieille, le bois avait sûrement un peu joué, ce n'était qu'une minuscule voie d'eau. Mais elle n'y était pas quand il avait sorti l'embarcation. Il l'aurait juré. La perspective qu'il avait de la rive et du lac changea. Petey était derrière lui à présent. Au-dessus de lui, l'horrible nuage simiesque creva. Hal se mit à ramer. Il ne lui fallut pas plus de 20 secondes pour comprendre qu'il ramait pour sa vie. Il n'était qu'un médiocre nageur, mais même un champion aurait été mis à rude épreuve dans ces eaux soudain déchaînées. Deux nouvelles planches s'écartèrent soudain avec le même claquement de coups de feu. L'eau s'engouffra à flots dans la barque, trempant ses chaussures. Il entendit quelques légers cliquetis et se rendit compte qu'ils étaient le fait de clous arrachés. L'une des dames de nage fut emportée et se retrouva à l'eau. Serait-ce ensuite le tour de l'Émerillon ? Le vent soufflait maintenant de la rive comme s'il essayait de le ralentir ou même de le repousser jusqu'au milieu du lac. Il était terrifié, mais au-delà de la terreur, il éprouvait une sorte de joie de vivre. Le singe avait disparu pour de bon cette fois, il en avait la certitude. Quel que dût être son propre destin, le singe ne reviendrait pas jeter son ombre sur la vie de Dennis ou sur celle de Petey. Le singe avait disparu, il gisait peut-être sur le toit de la Studebaker d'Amos Culligan au fond de Crystal Lake. Disparu pour de bon. Il rama, penché sur l'avant, puis sur l'arrière. Il entendit à nouveau un craquement révélateur et cette fois la boîte de Crisco rouillée qui était rangée à l'avant de l'embarcation se mit à flotter dans 10 cm d'eau. Hal reçut une gerbe d'eau en plein visage. Un craquement plus fort encore et le siège avant se cassa en deux morceaux qui flottèrent près de la boîte d'appât. Une planche fut arrachée sur le côté gauche de l'embarcation, puis une autre, à droite, cette fois-ci au ras de l'eau. Hal ramait. Son souffle se faisait âpre dans sa bouche, chaud et sec, et sa gorge était enflée par le goût de cuivre de l'épuisement. Ses cheveux trempés de sueur flottaient autour de son visage. À présent, une fente s'ouvrit directement au fond de l'embarcation, zigzagua entre ses pieds et se poursuivit jusqu'à l'avant. L'eau s'engouffra. Il en eut bientôt jusqu'aux chevilles, puis jusqu'à mi-mollet. Il ramait, mais le bateau semblait désormais comme embourbé. Il n'osait pas regarder derrière lui pour mesurer la distance qu'il lui restait à parcourir. Encore une planche arrachée. La fente qui courait d'un bout à l'autre de l'embarcation se ramifia jusqu'à former un arbre. L'eau rentrait à flot. Hal ramait comme un fou, respirant profondément par saccades. Il tira une fois, deux fois, et à la troisième, les émerillons s'arrachèrent. Il perdit une rame, mais réussit à ne pas lâcher la seconde. Il se dressa et commença à godiller désespérément. L'embarcation roula, faillit se retourner, et, avec un bruit sourd, il tomba à la renverse. Quelques instants plus tard, d'autres planches furent arrachées, le banc s'effondra. Hal, saisi par le froid, se retrouva gisant dans l'eau qui emplissait le fond de la barque. Réfléchissant à toute allure, il tenta de se mettre à genoux. « Il ne faut pas que Petey voie ça, il ne faut pas qu'il voie son père se noyer sous ses yeux. Tu vas nager, patauger comme un chien s'il le faut, mais en tout cas tu vas faire quelque chose. » Nouveau craquement, tout sembla se fracasser. Il se retrouva à l'eau, nageant vers la rive comme il n'avait jamais nagé de sa vie, et celle-ci était étonnamment proche. Une minute plus tard, il se retrouva debout avec de l'eau jusqu'à la taille, à moins de 10 mètres du bord. Pleurant et riant à la fois, Petey se précipita vers lui dans une gerbe d'eau, les bras tendus. Hal s'avança en trébuchant. Petey, de l'eau jusqu'à la poitrine, tomba en avant. Enfin, ils s'agrippèrent l'un à l'autre. Voilà. Et maintenant, la même scène, enfin la fin, comment il se débarrasse du singe en tout cas, dans l'adaptation. Voilà, bah, c'était donc le climax, on va dire, des deux films, deux œuvres. Il reste quelques pages dans le livre après ça, et quelques minutes au film. Yes. Mais c'est vraiment la grosse scène de tension. Oui. Et je te laisse commencer sur ce que tu en penses. Bah déjà, on peut dire qu'elle est beaucoup plus efficace dans la nouvelle originale, vu qu'il se passe beaucoup plus de trucs. Déjà, le lac, le passif du lac aussi, puisque ce qu'il y a déjà sous eux, quand ils sont sur la surface, il y a beaucoup de choses en termes de narration qui remontent, que ce soit dans l'esprit du personnage ou qui se produisent tout autour d'eux. En fait, c'est vraiment un aspect très apocalyptique au premier sens du terme. Alors que la version film, bon, bah, on l'a évoqué, hein, le manque de budget y est pour quelque chose. Mais c'est fatalement bien moins impressionnant avec juste un petit tremblement de caméra, des nuages qui s'élèvent, la terre qui s'ouvre, enfin un bout de terre qui s'ouvre en deux. Bon, c'est clairement moins passionnant, quoi. Oui. Ouais, et puis le fait qu'il soit tout seul, peut-être, joue aussi... Oui, parce que c'est vrai que là, il n'a pas le gamin avec lui à devoir protéger à tout prix. Ouais, voilà, c'est ça. Ça enlève quelque chose, en fait, qu'ils doivent être tout seuls, alors qu'il aurait pu être avec d'autres personnes. À la limite, il aurait pu être avec son voisin, bah oui, frère. C'est ça. Pourquoi lui n'est pas là? C'est ça qui est très bizarre. Surtout qu'il était conscient du singe à la fin. Oui, puis il a pas l'air très très dur à convaincre comme personnage non plus. Hein. Oui, en plus, oui. Donc oui, c'est quand même... il aurait pu être avec lui. Quitte à intégrer un personnage de médium, ils auraient pu la foutre aussi, à la limite. Hein. Ouais, même si elle dit quand même très clairement qu'elle veut pas participer à ça. Oui, c'est vraiment une médium qui prend des risques. Waouh. Attention. Ouais. Mais oui, ce climax, version cinéma, version film, manque vraiment d'enjeu, quoi. C'est ça qui est dommage. Ce qui est, ça montre bien, encore une fois, là aussi, qu'il y a des trucs qui sont durs à adapter. C'est que le singe, en fait, en film, oui, il est inquiétant, il est intimidant, mais en même temps, on n'a jamais l'impression non plus d'un singe démoniaque. Bah non. Peut-être parce qu'il est mal filmé, hein, ça aide pas, clairement, mais bon. Alors que lui, pourtant, l'est, mais dès le début du film, de démoniaque. Parce que oui, là, pour le coup, il n'y a pas de doute. Il frappe même plus fort au début du film que pendant la majorité de celui-ci. Vu qu'il attaque directement en détruisant une maison. Le format cinéma, en fait, aurait dû jouer sur, justement, est-ce qu'il l'est ou pas. Alors que lui est frontal, direct, et nous montre, on a affaire à un démon. Ouais, c'est peut-être ça qui pose un peu problème. Je pense. Le fait qu'on est trop vite au courant. Dommage, ratage. Bon, on va peut-être pouvoir passer au classement, hein, dans ce cas-là. Oui, je pense qu'on a assez, assez tourné autour du pot comme ça. Bien, il est donc grand temps de passer au classement. Comme d'habitude, je m'occupe du classement des écrits, alors que mon camarade s'occupe du classement des adaptations. Au niveau des écrits, nous avons actuellement 54 récits, donc romans et nouvelles. Les 5 premières étant Sac d'os, Cimetière, Ça, Charlie et Histoire de lycée, qui est arrivé dans notre top 5 il y a peu, rappelons-le. Il y a quelques épisodes maintenant. Oui, ça commence à faire quelques épisodes quand même. Hein. C'était le 73e. Ouais, mais c'est quand même cette année. Ah oui. Alors que dans les 5 dernières places, nous avons Le Radeau, déjà issu du recueil Brume, L'année du loup-garou, Dr Sleep, Le cinquième quart et Grand chauffeur. Alors, où classer le singe? Où classer le singe? Je regarde. Pour moi, c'est pas haut. Hein. C'est même dans la partie... Non, ça va pas aller méga haut, ça, c'est certain. C'est la partie moyenne-basse du classement, même. Hein. Bah après, si pour toi, c'est moins bien que Le Radeau, ça va même aller dans le flop 5, techniquement. Oui, mais après, je peux faire quelques concessions. Parce qu'après, il y a des trucs que je trouve sont bas. Après réflexion. Bon, après, c'est qu'il y a énormément de très bons romans, une très bonne chose. Hein. Il y a des trucs qui ont été compliqués à classer. Ouais. Moi, tu vois, je la mettrais au-dessus de 1922, par exemple. Je pense. C'était à peu près la zone que je regardais. Hein. Après, je peux descendre de quelques places. Hein. C'est une zone où... c'est pas non plus méga important pour moi à une place près. Oui, voilà. Parce que Poids lourd, je la trouve fun comme nouvelle. Oui. Donc, moi, je la verrais bien entre Poids lourd et Le dentier claqueur. Oui, ça me va à la limite. Donc la nouvelle, 48e place. Le singe, ouais, c'est ça. Ok, Le singe, 48e place entre Poids lourd et Le dentier claqueur. Nous pouvons passer aux films. Pour les films, nous avons actuellement 81 œuvres classées, Avec aux 5 premières places Carrie au bal du diable de Brian De Palma, Chambre 1408 de Michael Avstrom, No Smoking d'Anurag Kashyap, Dead Zone de David Cronenberg et Shining de Stanley Kubrick. Et aux 5 dernières, Children of the Corn Genesis de Joël Soisson, The Mangler Reborn d'Eric Garner et Matt Cunningham, Doctor Sleep de Mike Flanagan, You Can't Kill Stephen King de Ronnie Khalil, Monroe Man et Jorge Valdeciga, qui est lui pour le coup une entrée vraiment récente. Oui. Ça fait 2 épisodes. Et Room 237 de Rodney Asher. Plutôt me défenestrer que de revoir cette merde complotiste. Pareil. Et donc le singe, bah, on va pas remonter des masses. Hein. Ah non, effectivement. Le singe du diable, parce que... On... Bon, déjà quand même au-dessus de The Mist, pour moi, celui de Christian Thorne, je veux dire. Oui. Parce qu'il n'y a pas le côté vraiment message ultra, oui. Ultra problématique. On est d'accord. Mais ensuite, c'est tout aussi nul que Crouch End. Mais c'est plus marrant. C'est plus long. Ouais, mais c'est plus long, donc... Ouais, c'est vrai, c'est pas fou. Crunch End, c'est vrai que le... c'est plus marrant. Crunch End, le seul truc marrant, c'est le chat, quoi. Oui, voilà, c'est ça. Il y a que ça, vraiment. Ouais, peut-être plus à côté de The Mangler 2, dans ce cas-là. Je pense que tu peux passer une meilleure soirée nanar avec des potes devant le singe du diable que devant Crunch End. Oui, clairement. Clairement. Mais par contre, The Mangler 2, lui, est supérieur. Ouais. Du coup, ça ferait 74e place. Ça me va. Ouais, il frôle le flop 5, mais il n'y entre pas. Par contre, le flop 10, oui. Ça, il l'intègre. Bah, le flop 10 est souvent intégré, quand même. Plus c'est souvent vrai que le top 10. Il a tendance à beaucoup bouger, ouais. Ouais. Il y a une période où les démons du maïs de Donald P. Murcher, c'était le pire truc qu'on avait vu, quoi. Donc, bah voilà. Que dire de plus, ne le regardez pas, ça en vaut pas le coup. Non, clairement. Après, pas. Bon, c'est dispo en intégralité, en mauvaise qualité d'image, mais en intégralité sur plein d'endroits. Donc, bon, sur YouTube, il y est. Voilà, hein, c'est ça, YouTube et d'autres trucs, donc vous n'aurez pas besoin de beaucoup le chercher. Hein. Notons quand même qu'en fait, le meilleur truc de la version qu'on a vue, vu que nous c'est une VHS RIP, le meilleur truc de notre version, c'est la bande-annonce du Loup-garou de Londres. Qui arrive après le film. C'est à vrai la qu'on fin. A la bande-annonce du Loup-garou de Londres après. Donc de John Landis, qui lui est un bon film. Et voilà, du coup ça fait plaisir. T'as un bon truc quand même. Ce qui était plutôt une bonne nouvelle en plus, parce que je m'attendais à ce que le film dure encore plus de 10 minutes. Oui, moi aussi je me suis dit, bah c'est bizarre la timeline là. Mais non, t'as une bande-annonce du Loup-garou de Londres et une bande-annonce de Ghoulies. Voilà. Ghoulies quoi. Voilà, c'est tout pour cet épisode-là. Vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux. @cinémaarchiviste pour toi, @chris-6 The Lost Tales pour moi sur Blue Sky seulement. Toi, tu es sur Twitter et Blue Skies. Ouais. Vous pouvez nous retrouver sur Discord, sur un serveur de The Lost Tales. Je mets les liens dans la description. Nous sommes tous les deux sur Twitch. Chris, c'est The Lost Tales et moi, c'est Archiviste du cinéma. Voilà. N'hésitez pas à venir nous voir. On fait de plus en plus de trucs ensemble, voilà. Sur nos chaînes séparées, voilà. Ouais. Avec d'autres gens. On montre nos talents de dessin, notamment. Voilà, c'est ça. Donc n'hésitez pas à passer. Vous pouvez aussi passer sur mon YouTube pour voir mes vidéos sur différents films. J'espère que tout ça vous plaira. Et en attendant, nous, on se retrouve dans 2 semaines, pour The Timekeepers of Eternity. On va dire une adaptation des Langoliers, mais c'est un cas un peu particulier. Oui. On en parlera quand on l'abordera. Et en attendant, n'oubliez pas... Que le vidéoclub de Castle Rock est ouvert 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Salut. Salut.